Ici Maxime Tremblay du site épéelégendaire.com. Vous êtes des accros des jeux? Parfait! Car Big Ben, Antithèse Rétro Gamer, PQ et Marilune sont là juste pour vous ce soir. Bienvenue dans le podcast des accros des jeux! C'est le Big Ben. C'est Antithèse. Rétro Gamer PQ. Et Testeur Alpha. Pour le podcast des accros, l'édition du 11 mars 2013. Salut tout le monde, comment ça va? Ça va bien. Super. Cool. Hey, content de vous voir. En même temps, on accueille pour la première fois au podcast Testeur Alpha qui vient se joindre à nous, qui va remplacer Marie-Lune. Merci, merci. Alors, en plus, c'est un sujet qui nous touche pas mal, nous autres, les gars, ce soir, à la discussion de la fin. Ça va être le fun. Puis, oui, Marie-Lune n'est pas présente ce soir après un petit break de maladie pour se ressourcer. Mais inquiétez-vous pas, elle va être présente au prochain podcast qui est la semaine prochaine pour Inspecteur Gadget. Alors, entre-temps, si vous êtes live, en ce moment, vous écoutez live, vous pouvez nous jaser sur Twitter avec le hashtag AccroDesJeux, ou vous pouvez jaser avec nous autres sur YouTube. Je vais essayer de regarder le plus possible la discussion, voir si vous jasez avec nous autres. Mais sinon, bon show tout le monde, ça va être vraiment le fun. Alors, quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe, les gars, là? Beaucoup de Castlevania Lord of Shadow Mirror of Fate. Oui, j'ai vu ta critique qui est sortie hier. Tu as donné... Hein? Une courte critique, c'est ça le concept des retours des top 10. Et j'ai été quand même surpris. Je pense qu'on est la gang qui a donné une des meilleures notes du jeu. Il y a bien des sites qui donnent des notes moyennes. Ça, je comprends ouais. pas. Ouais, c'est surprenant ça. Ouais. Parce que les gens s'attendent trop à ce que ça soit égal à Lord of Shadows. Mais comme je l'ai énoncé moi-même dans mon propre tour. Là, tu parles de PS3 à 3DS, ça fait affaire quand ils comparaient les deux consoles, c'est le chiffre 3. Puis c'est aussi le fait que, ben, ça va être, je le dis, je le répète et je le maintiens, ça va être très très dur de déclencher Lord of Shadows de l'original. Puis là, il y a Lord of Shadows 2 qui sort, je pense, l'été, ça se peut-tu l'été? Et voilà, ça c'est un événement ça aussi. Ça va être un événement que moi, faut bien que je finisse le 1 puis d'aller acheter celui sur Game Boy. Expansion, n'oublie pas les expansions. Ben, ça, les expansions pour Lord of Shadows. C'est beaucoup. Rétro, toi, de ton côté? Ben, comme tu vois, j'ai mon t-shirt de Rétro Gamer PQ. Oui. Donc, juste avant le podcast, j'étais en train de filmer un épisode, précisément. Cette semaine, on parle de ça. Une fameuse console. Alors, de ce que je vois, je crois que c'est une Retron 2. Et en plus, on a une nouvelle par rapport à Retron durant le show. Alors, ça va-tu bien tomber? Eh oui. On fait des liens. On fait des liens, oui. Toi, Tester, qu'est-ce que tu joues cette temps-ci? Moi, je joue pas mal à WoW. Je raid 3 à 4 fois par semaine. Fait que déjà ça, ça prend pas mal de mon temps. Et puis le seul autre temps qui me reste, ben je le passe à tester des jeux de marde pour faire des épisodes dessus. C'est fou comment t'aimes te torturer toi-même, hein? Ben qu'est-ce que tu veux, c'est ça qui donne des bons shows, je crois. Évidemment. Mais écoute, c'est étonnant ta progression quand même, hein? Ça fait quoi, 5-6 mois que t'es en ligne, puis t'as beaucoup de monde qui apprécie tes shows. Ouais. 5 mois, tout juste 5 mois, je c'est pas beaucoup, puis t'obtiens quand même pas mal de fans, c'est vraiment étonnant. Puis c'est très fun pour toi, ça, on te donne ça. Ça décolle bien, c'est le fun, puis j'ai tellement de plaisir à faire ça que finalement, je peux continuer comme ça éternellement, je me tannerai jamais. Non, vraiment pas. Écoute, on va continuer, on va te souhaiter que ton show continue aussi bien, parce que sérieusement, c'est un excellent show. Si vous avez pas eu la chance d'aller le voir, allez le voir, c'est très très bon. Vous allez vraiment triper, puis si vous aimez surtout le Angry Nerd, c'est son genre, là. C'est vraiment proche du Angry Nerd, puis il y a sa touche personnelle d'humour qui est vraiment tordue un petit peu, mais c'est bien. C'est bien correct. Alors, moi, de mon côté, ben oui, il y a WoW encore qui prend un petit peu de mon temps, alors là-dessus, ben, je joue faut que je m'équipe pour avoir du héroïque et monter à mon niveau assez haut pour pouvoir faire du raid prochainement. C'est ce que j'aime le plus à WoW. Moi, c'est pas les faire de la quête, c'est pas le leveling, c'est vraiment du raid. Puis ça, j'ai bien hâte de finir mon set pour commencer à raider. Sinon, à part ça, ben, je joue toujours à Mass Effect sur PlayStation 3. Je m'en décroche pas, c'est tellement bon comme jeu. J'ai vraiment hâte, j'espère un jour qu'on va faire un film de ce jeu-là. Ça serait vraiment épique. C'est tout le seul mot que je vois qui me sort de la bouche, c'est épique. Et. Qui le dirige. Ça dépend de qui va diriger. Que je dis, à part c'est Uberbolt. Non, je veux pas que ça soit Uberbolt. Je veux pas. Non, ça va être Michael Bay, voyons, c'est là. Ouais. Michael Bay va te changer l'histoire, va te sortir l'histoire pareil comme dans Tortue Ninja, que c'est les gens qui ont changé, là. Dans les films de Michael Bay, il y a une histoire, ok, ça c'est nouveau pour moi. Non, dans les films de Michael Bay, c'est on met en avant-plan que les résumés sont hot, puis en quelque part, il y a des robots, juste comme ça. Ouais, mais... des explosions, moi j'ai pas vu de robots. Ah, c'est vrai, des explosions, mon dieu. Non, j'ai vu des gosses, moi, dans le 2. Moi j'ai vu des chars et des explosions. Ben là, regardez, là, il va faire des Tortues Ninja. Comment il pourra pas faire d'histoire avec des Tortues Ninja? Hey, il s'en est sauvé parce que Megan Fox va jouer April O'Neil. C'est ben les gens qui sont en cause. Juste à cause de Megan Fox, je vais aller le voir. Bon. Wow. Ok, je sais quoi t'amener au Comic Con l'année prochaine, hein, tu le sais? Amène-moi Megan Fox. Va t'amener un poster de Megan Fox. Un cadavre de Megan Fox. Ah oui, des poupées gonflables réelles. Oh mon dieu. Le plastique. Oh, désolé pour les personnes de la gente féminine. On voit que Marilyn n'est pas présente ce soir. Ça changerait quoi? Les gars, c'est n'importe quoi. Il y a moins de retenue. Mais bon, Megan Fox peut-être va arranger ça, mais même encore, écoute, juste de changer l'histoire pour dire que c'est des aliens qui ont transformé les tortues, là. Ça m'agace. Ils viennent de Dimension X. Bon, ok, c'est un petit hommage à la crank. Fuck that! Non, fuck that! Non! Non! Non! Les tortues ninja, c'était pas ça! Merci! C'était pas ça! Non! Non. Non. Et sinon, ben écoutez, j'ai joué... j'ai acheté de la merde, malheureusement. J'ai acheté un jeu sur PlayStation 3. Je l'ai vu à 10$. J'ai dit... Hey, un jeu de gun, ça n'a pas payé. C'est Bethesda qui le fait. Ça s'appelle Brink. Calisse, c'est plat. Mon Dieu! Hey! Moi, au début, je voyais... Ah, il y a de là une petite histoire, tu sais, deux factions qui s'affrontent pour... sauver une ville ou même la détruire. Je dis, ah, c'est pas si. J'embarque. C'est du multijoueur. C'est un jeu fait multijoueur. Mais ils disent qu'il y a une histoire solo là-dedans. Mais c'est parce que c'est l'ordinateur qui joue les personnages. Puis la chose la plus conne que j'ai vue de ma vie, tu lances une grenade. Puis à place de faire une belle petite explosion, ça fait. Tu vois même pas. Tu vois même pas une explosion. Ça fait rien. C'est ça, une grenade qui marche pas. Combien ça t'a coûté? 10$. Je viens de perdre 10$. Ah oui, 10$. Bon, ok. Ça va, on va passer par là. Tu peux avoir pour 10$, tu peux avoir un trio à quart de livre chez McDonald's. Je vais faire une cassette à Superman. Ou deux, c'est des billets. Des coupons, là, puis on a ici. J'essaye. J'aurais pas avoir un jeu de Super NES ou un jeu de NES. Ça peut être meilleur. Ouais, ouais. Fait que, au pire, si Tester Alpha continue dans 20 ans, ben je vais y envoyer cette copie-là. Ça va être une copie de Sagic. Ouais, c'est vrai que dans 20 ans, le rétro gaming, ça va être rendu PS2, non, PS3. Ouais, pas mal. Gros PS3. Ouais. Ben, c'est drôle, hein. Je suis en train de faire des collections. En ce moment, je suis en train de booster ma collection d'Xbox ordinaire, là. Je paye 2-3$ le jeu, là. J'en ai rendu quasiment à 50. Ben c'est ça, un moment donné ça va devenir rétro, puis ben ouais. Tu vas être bien content de les avoir. Puis du monde va courir après pour en avoir. C'est ça. T'sais. Sinon, à part ça, je pense qu'on va embarquer tout de suite dans les nouvelles, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui. À la bonne heure. Bon, vu que Retro nous a montré sa Retron 2, ben, y a une nouvelle qui est apparue en fin de semaine par rapport à la Retron 4 qui est annoncée officiellement par la compagnie Hyperkin. Et les points d'intérêt de la nouvelle Retron 4, c'est bon, d'abord deux ports de manette pour chaque console, comme l'ancienne Retron 3. Il va y avoir des manettes Bluetooth. Ça, c'est la nouveauté. Connexion HDMI aussi. Oui, HDMI également. Quatre ports de manette pour le Nintendo, Super Nintendo, Genesis et les cassettes de Game Boy Advance. Je pense que c'est ça qui est la plus... la grosse nouveauté, c'est le Game Boy Advance qui est rajouté. Pas de nouvelles encore, par exemple, pour savoir si les cassettes de Game Boy ordinaire vont être utilisées. On va voir au courant des prochaines nouvelles. Et ils vont être compatibles PAL et NTSC. Oh, ça c'est intéressant. Mm. C'est très intéressant, oui. Ça va être rendu pas mal universel comme console. Mais oui, il reste pas grand-chose, là. Non, c'est ça. S'ils sont capables de mettre un port de jeu Master System, OK, fine. T'as quasiment tout. Ben oui. Oui, je sais. En ce moment, Retro Gamer est en train de me faire chier en me montrant sa console. Il est en train de me rendre jaloux. Mais je vais avoir une... OK, ça, je déclipe pas ça. Mais bon... mais écoutez, c'est vraiment cool pour ce qui est de la Retron 4. Je trouve que ça va être une très très bonne console. J'ai très hâte parce qu'Hyperkin, ils ont l'air à faire des bonnes bonnes consoles comme à l'habitude là. Alors là-dessus, on va voir ce que ça donne. Attends de voir mon vidéo sur la Retron 2. Ok. On a hâte de voir ça là, dans la semaine, je pense. Cette semaine. Hein. Ok. Sinon, à part ça, ben il y a un jeu qui était il a sorti il y a bien, bien longtemps, c'est à Wii, qui va finalement sortir ici, après des années d'attente. Ça s'appelle Pandora's Tower, qui était un jeu qui était d'abord sorti juste au Japon, puis que avec une campagne de publicité, je veux dire, de chiolage des joueurs, a finalement sorti en Europe, et finalement, il va sortir ici, au mois d'avril, et ça va être la dernière grosse sortie pour la console de Wii ordinaire. Je pense que finalement, ça va être le chant du cygne, comme disait le chroniqueur de sur Kotaku. C'est la fin pour la Wii, mais on y offre quand même une dernière, un dernier jeu avant la fin. Ça veut dire que Fatal Frame 4, on verra jamais ça ici. Je pense pas. De quel? Fatal Frame 4. Ah non, plus ça. Dommage, très dommage. Moi, je suis pas tripeux de Fatal Frame, mais tu sais. Je suis sûr qu'ils vont sortir une version sur 3DS, tu sais. S'ils sont capables de nous sortir Donkey Kong, là, ils vont nous ressortir. Il y a déjà un Fatal Frame sur 3DS. C'est pas le 4, hein? Non, c'est pas le 4. Fait que là-dessus, ben écoutez, ça va être le dernier jeu sur la Wii. Ça va être pas si pire selon moi. J'ai vu les bonnes critiques sur jeuxvideo.com. Fait qu'on va voir ce que ça donne. Avez-vous vu ça en fin de semaine? Il y a eu une annonce pour les Tortues Ninja et qu'il va y avoir un jeu qui sort cet été. Non. Ça s'appelle Teenage Mutant Ninja Turtle Out of the Shadow. Supposément, vous pouvez aller voir la bande-annonce. Ça a l'air que c'est inspiré de la nouvelle série qui est sortie à Nickelodeon. Je te corrige là-dessus. Moi, j'ai vu le trailer, puis ça ressemble à rien à la série que j'écoute présentement. Non? De ce que je voyais, en tout cas, sur Kotaku, il disait que ça a l'air d'être inspiré, mais j'avoue... Ouais, que peut-être inspiré, mais les tortues là-dedans, ils sont carrément lettres. Oh. Moi, j'avoue que les têtes ont vraiment de l'air tortue, pas humaine. Si c'est inspiré, je vois pas en quoi. À part peut-être le design générique, là. Mm-hmm. Je sais pas. La série qui passe à la TV est super bonne. Eh ben, d'ailleurs, elle avait de l'air plus pour enfants, je te dirais, comparé à la série de 2000. C'est un petit peu plus, mettons, light-hearted, comme on pourrait dire en anglais. Okay. Et c'est moi je trouve ça le meilleur, puis ça se rapproche un petit, c'est comme le lien qui manque entre l'ancienne série des années 80 puis celle de 2000. Ok, finalement ça serait la fusion de Tortue Ninja Out of Time, quelque chose de même qui était Turtle Forever. Non, ce que je veux dire, c'est genre l'humour de l'ancienne série avec le sérieux de la série de 2003. Ah, ok. Bon, mais intéressant d'abord. Sinon, ben écoute, moi, Tortue Ninja, j'ai hâte de voir que ça donne. Sérieusement, oui, j'en jase beaucoup, mais je suis quelqu'un qui en manque, qui s'est en fait. J'ai l'impression que j'en ai besoin d'écouter la série. Je te Je sais pas conseille pourquoi. d'écouter la série. Je vais essayer de suivre ça prochainement. Hey, j'ai tellement tiré. Écoutez, en plus, avec Doctor Who, puis là, j'essaie de me taper Star Trek. Hey, my God. 19-2, avec les fesses à Claude Legault. On les a oubliés qu'une fois, non, deux fois peut-être. Marie, elle a vu ça une deuxième fois, ça a l'air. Elle Oui, doit compter le nombre de fois qu'elle voit. oui, elle compte pendant le podcast. Oui, c'est vrai. Elle est en train de me dire qu'elle va l'avoir envoyé en plein podcast pour me dire, ah, les fesses à Claude Legault. Oui, je me rappelle. Qu'est-ce qui suit à notre feed Twitter? Parce que j'ai Philippe Saint-Jean ici qui nous dit, allez voir le lien. Il nous a mis une nouvelle de Wow, le film. Oh. Oui, la ouais, nouvelle est sortie il y a 2 semaines. Ben, c'est une nouvelle, apparemment, que le film de War ne sortira pas. Ne Ah, sortira ça se pas. peut. Ben, j'avoue que le budget qu'il avait annoncé, c'est vraiment pas beaucoup hein, pour un film de cette amplitude-là. Là. Je pense qu'il parlait comme un budget de 120 millions. C'est Non. rien. C'est un pet, ça. Pensez au fait que le monde, les mondes de Ralph, ça a coûté 150 millions à Disney pour faire. Les mondes de Ralph. Les mondes de Ralph, vous entendez-tu que c'est quand même simplifié, là? C'est 150 Ben millions. T'sais, ils n'ont oui. pas été chercher plein plein de licences, là. Moi, je vais vous dire, moi, pour un film de Wow, il faut que ça soit en CGI, comme Dark. dans les intros de chaque budget de World of Warcraft. Oui. Si c'est pas comme ça donne rien. CGI, mais je dirais aussi, tu peux pas mettre ça en un film. C'est au moins une Non. trilogie. C'est une Ouais. trilogie. C'est plus qu'une trilogie, ça aurait été une diplotologie. Par exemple, ça m'étonnerait que les studios s'embarquent là-dedans, mais au moins une histoire qui pourrait se dérouler sur trois films correct avec ça. Ça me dérangerait pas. Même Mais pas un film. moment-là. Hein? Quasiment mieux faire une série télé à ce moment-là. Ouais, mais rendu là, ça va faire un petit peu comme Star Wars, ça va faire patate. Le problème avec les séries TV, c'est que ça, ils basent encore les ratings sur le vieux système Nielsen, qui est vraiment de la merde. Ça ne tient pas en compte des enregistrements, ça ne tient pas en compte des downloads. C'est sur l'écoute directe. Ben, parce que dans l'autre, ils vont voir ça comme étant du vol, alors que ça ne l'est pas vraiment, ça demeure une visibilité. Ouais, mais parce que le monde, il n'en a rien à foutre des annonces. Mais les vieux Totalement. systèmes de racing, ils tiennent juste compte du monde qui écoute les annonces. C'est ça. C'est de la chenoute. Fait que si tu tournes le poste pendant qu'il y a des annonces, tu comptes pas dans le rating si tu as le système de racing que j'ai eu. Hey. Ils veulent des chiffres, ils disent que les chiffres ne mentent pas. Mais dans ce cas-là, oui, les chiffres commencent à mentir. Ben oui, parce qu'ils se disent une personne qui écoute tel poste à telle heure en vaut 1,5 quelque chose million. Ouais, tu Ça veut dire que, tu sais, s'il y a 10 personnes qui n'aiment pas le sci-fi, ben, tu viens de perdre, je sais pas combien de millions T'en perds pas mal, ouais. Ouais. Ben d'accord avec toi. Mais donc là, la nouvelle, c'est quoi? C'est annulé, c'est reporté? Qu'est-ce qu'ils prévoient faire avec Font ça? pas finalement. Ah, ils le font pas, c'est annulé, Ça se peut fort bien, ouais. Ça m'étonnerait pas. Ouais. Parce que rien, je veux dire, pour 120 millions, oui, peut-être, il y a entendu parler qu'il voulait essayer d'avoir, pas Brad Pitt, comment il s'appelle, c'est Johnny Depp, pour avoir des voix ou d'avoir une présence de lui, mais ça donne rien. Si t'as pas de, t'as un petit budget de 120 millions, là, pour un film épique de même, oui, tu peux peut-être avoir la voix de Johnny Depp, mais après ça, qu'est-ce que tu mets? Faut quand même que t'aies des gros acteurs quand même qui donnent des voix, faut que t'aies le temps de faire le travail. Les animations de Blizzard, c'est bien fait, mais ça prend du temps. C'est une équipe qui travaille fort, là. C'est pas les Ouais. deux pics de chez Majesco qui sont en train de faire ça. Blizzard. Parmi une des meilleures équipes de graphistes qui a présenté sur Terre. Du moins, c'est à quoi ils sont reconnus comme, en tant que. Il clenche souvent le monde de Square Enix, là. T'sais? Fait que non, oui. Puis, écoute, le film de Final Fantasy VII, là, je suis sûr qu'il a quand même coûté une couple de millions, là. Je sais Oh pas. oui, ça a mené Square à la faillite. Ben, le film de Final Fantasy VII, le premier, là, pas le deuxième, là. Je parle du premier, The Spirit Within. Ouais, Spirit Within, où je Ah parlais du ouais, deuxième. c'est ce qui est ça qui a détruit Square Enix. Ouais, puis Oui, il a fallu qu'il se fasse on racheter par PlayStation. se sont forcés avec Enix. Et que ça les a forcés à s'allier avec Enix. Ouais. Oh, ouais, c'est vrai. C'est vrai, ils ont été obligés de merger avec Enix pour. survivre. Le survivre, fallait qu'il y ait un merge. Ouais, ça, fait, ça a amené plein de fusions au Japon après ça, Namco Bandai, puis... Oh my god. Pour pouvoir réussir à rivaliser. Ah, c'est bon. On va aller avec une autre de mes nouvelles. Lancement de SimCity. Avez-vous entendu parler de qu'est-ce qui se passe avec le monde qui a acheté SimCity? God. Ouais. Les problèmes avec les serveurs, c'est ça? C'est encore pire que Diablo 3, en résumé. Oui, oui, leur système de DRM est... C'est un calvaire, ça. Ils sont vraiment en train de se planter, là. Electronic Arts, à son meilleur. Yep. Yep. Et bon, ben, pour ceux qui l'ont acheté, notre gang qui nous écoute, ben, ma gang de chanceux, vous avez quand même un jeu gratis pour vous faire excuser. Mais à cause de ça, ben, ils ont tout cancellé les campagnes de publicité en ce moment pour éviter que le monde l'achète. Dire à quel point qu'ils font vraiment pitié, là. Mais tu sais, pas pitié dans le sens que je m'en fous, là. C'est quand même Electronic Arts, je pense que j'ai le droit de les blaster à tour de bras. Mais sérieusement, là, c'est décevant. Mm-hmm. Quand t'es vraiment pas prêt, t'es vraiment pas prêt. Ils auraient pas dû sortir leur jeu de suite, ou bien au moins d'avoir fait les tests pour ces serveurs, t'sais. Mais je vois beaucoup de mauvaises critiques en plus de ce du nouveau SimCity, fait que moi, ça me donne pas plus le goût d'y jouer, là. Fait que je vais aller me chercher SimCity 4, puis je vais être correct, tu sais. C'était-tu 3? 4. 4, hein, ouais. Fait que là-dessus, ben c'est mon opinion à moi. Sinon, rapidement, je vais juste regarder, voir s'il n'y aurait pas d'autres nouvelles. Est-ce que tu peux regarder le Twitter? Est-ce qu'on a des discussions? Non, la seule nouvelle qui est vraiment pertinente, ça a été le... Qu'est-ce que Tain nous a dit qu'il n'y avait plus de... Puis me dit, wow, c'est pas mal ça pour l'instant que j'ai sur Twitter. Ok, ok. Fait que là-dessus. J'ai hâte de voir si Ninja Turtle va être Avrak TV. Ça va être la version Nickelodeon. Je sais pas, je t'avoue. J'ai l'impression. Je m'étonnerais. Je pense que ce serait plus Télétoon. Plus Télétoon parce que. Non, parce que les autres sont avec Cartoon Network. Ah, ok. Et que, non, ça se peut peut-être Vrak. Mais ça va dépendre, hein? Avec Bell, tout peut changer, hein? Il risque de se faire acheter bientôt par Bell. Fait que, on sait pas ce que ça va donner. Ah, le joueur du grenier a fait un voyage chez Maxis, la compagnie qui a fait SimCity 4. Ça veut dire que le joueur du grenier va en parler durant une de ses vidéos prochainement. Who knows? On sait pas. Il y a des chances. On demandera, je sais que c'est le joueur du grenier dans ses amis, alors. Ils ont pas le joueur du grenier. Ouais, c'est ça, c'est eux, oui. Fait qu'on va demander à CE s'il est capable d'avoir des petites exclusivités, ça serait le fun. fait que là-dessus, je pense que c'est fini mes nouvelles, parce que sérieusement, il n'y a pas grand-chose cet an, côté jeux vidéo. Avant la sortie de certains jeux, là, comme Luigi's Mansion 2 qui sort, là. Mm-hmm. Ça, c'en est un que j'achète automatique, garanti. Quel autre jeu est prévu pour sortir à la fin du mois? Mais il y a une comme de sorte du bon jeu qui sort, me semble. Printemps, c'est fort. Oui. Il est supposé faire peur, mais ça, c'est en développement infernal parce que, à cause du bordel de la faillite de HQ, Parker puis Stone sont encore embêtés avec 2K. Mm-hmm. En tant que 2K, ils sont pas mauvais en tant qu'éditeur de jeu. Ils sont pas pés, mais c'est parce qu'eux autres veulent comme pas perdre les droits sur le jeu. Puis c'est comprenable. Ils veulent pas perdre leurs droits créatifs dessus. Ouais. C'est bien comprenable parce que je me mettrais à leur place et je ferais comme ouais. Moi, il a travaillé fort. Écoute, les gars ont été impliqués dans le jeu. Là. Veux pas, là. Le jeu a été relativement complété. Il manquait pas grand-chose avant l'annonce de la faillite. C'est ça. Il restait pas grand-chose. Fait que, c'est sûr qu'on les comprend. On aimerait ça que... Peut-être moi, je suis plus dans l'équipe de Parker puis de Maston. Je me dis, crime, ils ont travaillé fort dans le plus pour le jeu, tu sais. Parce que eux, ils comprennent, tu sais, ce sont les créateurs, ils comprennent mieux leur propre produit que n'importe qui. Tout à fait. Par résultat, ben écoute, Parker Piton ont démontré à quel point que quand ça concerne leur bébé, ben c'est ça assure vraiment que ce soit au top du top. Sinon, fuck all, t'es mieux de faire comme E.T. puis d'être enterré au Mexique à quelque part. Tout à fait. En passant, ben écoutez, juste pour te dire, le monde qui voulait avoir le jeu Fire Emblem, en ce moment, c'est très très dur d'en obtenir une copie. Si vous avez la chance de vous en pogner une, sautez sur l'occasion parce que en ce moment, c'est vraiment dur d'avoir une copie. C'est là qu'il sort sur 3DS? Ouais, parce qu'en tout cas, à Montréal, c'est dur d'en trouver. À Québec, il y en a plein. Ah, bon, ben. Justement. On va faire un trip à Québec. Yes! Avant d'embarquer dans la discussion finale du podcast de ce soir, juste vous rappeler que c'est en fin de semaine à l'Otaku Lounge Manga qu'il aura lieu la rencontre avec le mangaka que j'ai annoncé la semaine passée. Alors, pour ceux qui ont une chance de descendre à Montréal, d'aller voir pour une fois un mangaka qui va être directement live à Montréal, c'est plutôt rare, je vous dirais. Puis, hein? Oui, pas mal. Alors, pour ceux qui veulent rencontrer Eiji Otsuka, si ça va être le samedi... Ah oh non, excusez-moi, je me suis trompé. C'est le 23 mars. Désolé. Bon, j'étais dans le champ totalement. Alors, c'est le 23 mars que vous pouvez aller le voir. Non, c'est de votre que tu te rappelles pareil pour l'Otaku Lounge. Écoute, c'est pas mauvais. Non, c'est très, très bon pour l'Otaku Lounge. Puis c'est mes amis, c'est des amis qui sont très proches à moi. Si vous avez la chance d'y aller, là, vous allez voir, sérieusement, c'est une place que j'adore aller. Les gars, Ludivine et Alex sont vraiment fins avec nous autres. Et, quand ils sont là, ils te prennent en charge puis ils t'expliquent c'est quoi le manga qu'ils aiment le plus. Puis quel genre que tu vas aimer, c'est vraiment nice. Alors, si vous voulez découvrir des mangas, c'est la place idéale. Alors, c'est ça. C'est le 23 mars pour ce qui est du show de. Ben, je vais pouvoir aller voir M. Eiji Otsuka. Et également, il y a l'orchestre des jeux vidéo qui va être présent ce mois-ci. Je regarde rapidement la date pour être sûr de vous le retrouver. C'est le 30 mars. 20$ le billet, si jamais vous voulez aller voir. C'est la gang de l'orchestre de jeux vidéo Montréal. C'est vraiment un très bon orchestre. Et je vais essayer d'y aller. On va essayer. Yeah. Alors, là-dessus, on va jaser de notre dernière discussion. On va jaser de bande dessinée. Je pense que c'est quelque chose... Ça va faire du bien, d'abord, de moins de jaser de jeux vidéo, puis de jaser d'un thème différent. Puis, nous autres, les quatre, on aime quand même les bandes dessinées. On est, moi, je suis un débutant dans l'affaire, mais je lisais beaucoup de bandes dessinées auparavant. Et j'avais envie de voir les suggestions et les discussions que nos amis auraient là-dessus, ce sujet-là. Alors, notre maître à penser là-dessus sur notre site d'abord, c'est M. Antithèse, qui est un énorme fan de bande dessinée. Ah oui. Qu'est-ce que tu aurais à suggérer pour un débutant? Oh bon, un débutant? C'est sûr que ce serait Batman Year One que je suggérerais à un débutant. Parce que c'est un trade paperback qui est très complet, qui, en plus, ne seulement raconte la première année de Batman, la première année de Commissioner Gordon. Ok. Alors, c'est excellent pour ça. Moi, je suggère beaucoup les gens d'aller avec les one-shot trade paperback pour... Peux-tu expliquer un peu c'est quoi un trade paperback? Un trade paperback, c'est dans le fond une série de livres que le publicateur va releaser, mais sans les publicités, puis mettons qu'il y a 4 numéros, mais les 4 numéros deviennent un numéro, pas de pub, puis c'est comme un livre que tu achèterais, mettons, chez Renaud Bré ou chez Librairie Monet. Je donne un exemple sur un instant. Bon, ben, entre-temps, juste pour dire, on a une petite question rapidement de Kevin Noireau qui nous demande les jeux 3DS, quoi choisir selon vous, le eShop ou la cartouche? Cartouche. Définitivement cartouche parce que si tu commences à faire du download rapidement, tu vas te rendre compte que ta carte SD ou même la mémoire de ta DS va se remplir très très vite. Alors, un trade paperback, je peux revenir sur le vif du sujet. À oui. Moins que Rétro et Testeur veulent dire leur opinion rapidement. Comment? Rétro non. Testeur, est-ce que tu as une opinion là-dessus? 3DS? Ça presse pas. Ça presse pas? Ok. C'est bon. Ok, vas-y. Ça, c'est un exemple de Trade Paperback. C'est un, comme vous pouvez voir, c'est un livre assez épais. Ça c'est le Trade Paperback du The Dark Knight Strikes Again. Celui qui a été critiqué et, disons, mais franchement, vomi par Linkara. Ça, exemple, c'est le que je viens de montrer. C'est une recollection des trois livres. Non, excusez-moi, des quatre livres de Dark Knight Strike Again, qui est une série. Il n'y a pas de pub, puis donc le flow est génial pour ça. Alors, pour nous, mes conseils, je dirais Batman Year One serait une très bonne idée, parce que c'est pas très heavy, c'est pas Killing Joke. Killing Joke, c'est très heavy, Killing Joke. OK. Ben, tout ce qui est Alan Moore, en fait, c'est très heavy. Effectivement. Sinon, si vous êtes plus du même auteur, Frank Miller, il y aurait Daredevil Falls from Grace. Ok. Born Again. Où Daredevil, on voit la chute de Daredevil, puis à quel point que. Pas à quel point, mais son ascension, sa remontée. Ok. Ça va venger puis clarifier son nom. C'est deux excellents livres par Frank Miller. Okay. Reto, toi de ton côté, qu'est-ce que tu aurais à suggérer d'abord pour un débutant, mettons? Un débutant, là. Qu'est-ce que tu as lu en premier? T'en souviens-tu? Il y a 15-20 ans? Ah, oui. Tabarnak. Moi, mes premiers, c'était Spider-Man. Oh. Puis Venom. Puis à présent, qu'est-ce que tu aurais à suggérer à quelqu'un? Ben, moi, écoute, j'étais un rétro. Hein, fait que les trucs qui ont rapport aux jeux vidéo m'intéressent souvent. Comme la nouvelle série de Mega Man, par Archie Comics. Donc, c'est des trade paperbacks, mais tu peux les acheter en comic book séparé. Bref, ça raconte l'histoire. Ben, chaque trade paperback est un jeu, finalement. Fait que le premier, c'est Mega Man 1, puis le deuxième, c'est Mega Man 2, puis de temps en temps, mais ils en mettent un en chaque jeu pour avoir leurs propres histoires. Ça vaut la peine. Ça coûte pas cher. Puis ils sont facilement trouvables sur Amazon.ca. Ça, c'est clairement intéressant, moi qui est un grand fan de Mega Man, là. Ben, je te suggère, le premier, c'est Let the Game Begin. Let the Game Begin. Puis ça, c'est essentiellement Mega Man 1. Puis saucé, là, vraiment, là, pour faire une vraie histoire de Mega Man 1, parce qu'on sait tous que Mega Man 1 n'avait pas vraiment une histoire. Non. Bon, ben, je vais vous laisser, les gars. Je vais aller chercher mes BD à moi. Ça sera pas très long. Et moi j'ai les autres là, j'attends les ceux qui sont sortis récemment, là, mais j'achète aussi en téléchargement pour ma tablette, fait que je leur donne le double de mon cash. ils vont t'aimer. Oh, ils vont m'aimer, ça se passe. Why not, right? Et ça c'est je peux dire qu'en chaque histoire de jeu, t'as toujours un supplémentaire qui soit continue une histoire précédente avec d'autres personnages ou leurs propres personnages ou une autre affaire, mais il y a toujours de quoi deux jeux, mettons comme celle-là, le Time Keeps Slipping, ben ça explique l'histoire de Oilman puis Time Man qui ont été intégrés dans Mega Man Powered Up sur PSP. Un très bon jeu, ça n'en pense, hein? Donc après Mega Man 1, ben ça suit avec ces deux-là, puis ça va à Mega Man 2, puis là il y a une autre histoire, Mega Man 3, une autre histoire. C'est ça. Puis je suggère aussi pour les fans d'Assassin's Creed, comic book disponible sur Ubi Workshop, que d'ailleurs moi j'ai fait signer par l'auteur. Assassin's Creed The Chain, c'est bien ça? Oui, The Chain. Puis c'est en fond, ça sert un petit peu de genre de prequel à Assassin's Creed avec le personnage principal. Mais un petit peu avant puis en même temps, dans le fond. Okay. C'est comme bizarre, mais faut le laisser. C'est très très bon, puis ça laisse des. Ça fait une expansion sur l'histoire d'Assassin's Creed qu'on connaît actuellement. Génial. Côté. Bon, je vais y aller avec Tester. Tester, qu'est-ce que tu as à suggérer, toi, de ton côté? On va commencer pour quelqu'un qui est débutant. Mettons. Vraiment débutant. Là. Quelqu'un qui n'a jamais lu, ou presque. C'est une série que je lisais quand moi j'étais moi-même jeune. Là. C'est par le scénario et les dessins sont faits par Peyo. Peut-être que le nom vous dit quelque chose. C'est la même personne qui a fait les Schtroumpfs. Oui. Donc évidemment, vous connaissez les Schtroumpfs. Et enfin, c'est ce gars-là. Il a fait aussi trois autres genres de bande dessinée. Et il y en a une d'entre elles que j'adore vraiment. Là, c'est super bon. Ça s'appelle Benoît Brisefer. Ah, oui, ça dit ça. Oh, ça vous dit quelque chose. C'est vraiment génial. Je trouve le principe est vraiment bien. Ça se passe dans un monde à notre époque, là. Donc c'est contemporain, là. Et puis Benoît Brisefer, c'est un petit gars, il doit avoir tout juste 10 ans. Et puis il est super fort. Il a une force surhumaine. Puis ça, évidemment, ben ça amène tout plein de scénarios vraiment drôles, vraiment le fun. Et puis il perd sa force quand il a le rhume. Fait que ça aussi, c'est vraiment trippant. C'est-à-dire que il arrive tout le temps dans chaque épisode, dans chaque bande dessinée, il y a tout le temps le rhume un moment donné, puis là, ça arrive en plein quand il fallait pas, puis là, bon, tout suit de ça. Fait que c'est ça, moi j'adore cette bande dessinée-là. C'est par Peyo, donc les dessins sont jolis, sont beaux, sont clairs, c'est en couleur, les textes sont faciles à lire, puis il y a beaucoup d'humour dedans, donc franchement, je recommande ça à n'importe qui veut passer un bon temps. OK. Ben, je vais aller de mon côté. Première BD à lire. Écoutez, j'ai été chanceux, hein, durant l'année 2012, la plupart du monde le savent. Oui, j'ai gagné ma passe à vie pour le STM, mais j'ai gagné également des BD lors des concours des mystérieuxétonnants.com, qui est un podcast qui est dédié exclusivement à la BD et à la pop culture. Et j'ai gagné deux BD. J'en ai gagné une qui s'appelle Dead Out, que j'ai pas trippé pantoute parce que c'est vraiment une BD très fuckée. Vraiment, vraiment fuckée, là. Genre, Alan Moore, il a l'air d'être un petit pet à côté, là. Est-ce possible, ça? Je dois faire aller quand il faut passer à la maison. C'est vraiment bizarre. Ouais? Ok, oui. J'ai pas trippé. J'ai gagné un autre que j'ai aimé. Puis, c'est une des premières BD que j'ai à cette heure à moi, qui s'appelle Rachel Rising. C'est fait par Terry Moore. C'est l'histoire d'une femme qui se réveille dans un... Elle se réveille, elle est enterrée. Puis, lorsqu'elle réussit à sortir du cercueil, elle se rend compte que les mondes pensent toutes qu'elle est morte. Puis, pourtant, elle est en vie. C'est juste que ses yeux sont noirs, mais elle est en vie. Puis, il y a du monde qui la reconnaît, il y a du monde qui la reconnaît pas. Puis, au fur et à l'histoire, on comprend un peu qu'est-ce qui se passe, mais elle cherche beaucoup à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle n'a aucun souvenir pourquoi qu'elle s'est ramassée là, dans le cercueil. Fait que là-dessus, c'est vraiment fucké, mais c'est génial comme série. Puis elle se retrouve également, elle est capable de, par exemple, elle touche à quelqu'un, elle sait comment que la personne va mourir. C'est vraiment fucked up, là. C'est fucké. Puis j'ai vraiment bien aimé. C'est en noir et blanc. C'est un petit peu plate là-dessus. Mais c'est pas cher. Un trade paperback, c'est 15$. C'est bien bien l'allure. Une bonne petite série. Sinon, à part ça, quelque chose de plus facile, mettons, parce que j'ai quand même allé aider. Il y a quelque chose que j'ai aimé. C'est pas tout le monde qui l'a aimé. Ça, je vous l'avertis d'avance. C'est la nouvelle réédition de Justice League, qui est après DC, 52, qui est le nouveau 52, ça se passe dans le nouveau 52. Finalement, dans cette BD-là, on voit la rencontre de la Justice League entre eux autres. On voit comment que ils se sont décidés de s'allier entre eux autres pour combattre un ennemi qui est quand même assez difficile à combattre. Je vous dirai pas qui, parce que j'ai pas envie de vous briser le punch, mais c'est vraiment le fun. J'ai payé un peu cher, par exemple, j'ai payé une version française, hein, fait que ça coûtait comme 32. Ouais, ça coûtait 32 piastres. Je sais qu'en anglais, il est comme une vingtaine de piastres, donc j'ai payé pour la traduction, puis le hardcover aussi. Mais non, sérieux, c'est quand même un bon achat, je l'ai bien aimé. Je trouvais que c'était un bon... Je l'ai dévoré. Qu'est-ce que j'ai trouvé plate un peu, c'est qu'on connaît un petit peu moins les backgrounds du monde, mis à part Cyborg, qui nous introduit dans cette série-là. On n'a pas connu ben les autres, je trouve ça plate. J'aurais aimé qu'ils nous fassent une petite introduction. Ok, c'est qui Superman, c'est qui Batman, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, on veut pas, on part d'un reboot. Fait que, tu sais, ça aurait été la moindre des choses d'expliquer un peu c'est qui, tu sais. Mais c'est correct. Sérieusement, j'ai bien aimé ça. Une autre suggestion. Ça, c'est pour ceux qui ont suivi vraiment la série. Buffy the Vampire Slayer. saison 8. Alors, c'est ça part. Où est-ce que la saison 8 a la saison 7 a fini? Et là, je vois Retro qui est comme découragé. Je sais pas pourquoi. Ouais, pourquoi t'es découragé, Retro? Buffy. J'adore Buffy. C'est hot. Écoute, Buffy, c'est quand même mieux que fucking Twilight. Essaye pas. C'est clair. Ok, ouais. Ben, il veut dire, il n'y a pas grand chose qui est pire que Twilight. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je pense que même un tas de merde vaut plus que ça. Ça, c'était quand même bien placé, là. Mais sérieux, moi, j'aime ça. Je suis... d'Aladin a plus de charisme que Kristen Stewart. Ah, c'est qui? C'était « Does it have more expression, facial expression than Kristen Stewart? » Ouais. plus, mais surtout plus de gestuelle. Ce qui est vrai, le pire. On rit, mais c'est tellement vrai. Écoute, l'avez-vous vu, juste vu aux Oscars? Non, j'écoute pas les Oscars. C'est... Non. Elle avait de l'air d'avoir pris une petite ligne de coke, là, pis de... Elle avait pas l'air à savoir pourquoi elle était là. Un jour, peut-être qu'elle va devenir une actrice. Peut-être, mais... Elle qu'elle prenne des cours. Mais elle, elle s'en fout parce que ses parents lui ont donné l'accès facile à Hollywood, puis elle, c'est qu'elle veut donner, c'est une fucking vétérinaire. Go! Lâche ta job! Go for it! I'm not kidding! Elle a dit, et je cite, « Je ne me vois pas être une menteuse professionnelle toute ma vie! » Elle fait très mal sa job. Elle ment très mal déjà en partant. Oui, elle veut devenir vétérinaire. Oh, yes, sir, you want... Yes, sir, I give you some puppies. Now I have to kill the puppies. God damn it! Avec la même face. Ce podcast s'est transformé en groupe de hate contre Kristen Stewart, on dirait. Non, ça c'est normal. Ouais, ça devrait être le cas à chaque fois. Le nerd a plus d'expression faciale que Kristen Stewart, c'est ça que t'as fini de dire? Oh, nice. Okay. Qu'est-ce que ça raconte sur Twitter? Sont-tu découragés en ce moment là, de nous écouter là? Ben c'est juste Ty qui nous parle dans le fond là. Ben il y a Kevin Noirot qui nous jase sur présentement sur le face de YouTube sur YouTube. Comment ça va, Kevin? Salut Kevin, écoute, on te voit une fois de temps en temps, j'ai hâte de te revoir. La dernière fois c'était au Comic-Con l'année passée. Ben, lui il dit qu'il adore les mangas Dragon Ball, Naruto, Sugarless. La version drama sortie des romans est excellente. B-Reaction, et si vous voulez rire, il y a Nozuki Anna qui est sortie dans nos librairies. Nozuki, c'est Anna, ça a l'air d'une affaire nasale. Ouais, pas! Nozuki, en tout cas. Écoute, mais merci beaucoup. Écoute, oui, le manga de Zelda, je l'ai ici. Non! Oui, j'ai essayé. Non! Et c'est mauvais. À mon avis, c'est très, très mauvais. La raison pourquoi que c'est mauvais à mon idée, là, Link parle trop. Mais là, autant que c'est pas. Ouais, mais ok. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Vas-y, pète-nous une coche. Ok, je vais aller chercher un passage, ok? C'est dans le début. Laissez-moi quelques secondes, mais sérieusement, là, c'est comme. Ah ouais? Voyons. Lily, ton BD, c'est Lily. Alors, comme ça, tu viens de la forêt? Oui, merci, je tenais vraiment à cette pierre. Elle est très belle. C'est l'émeraude Kokiri, le véritable arbre Mojo, m'a demandé de la donner à la princesse Zelda. Donc, il faut qu'il y aille. Si tu veux mon avis, tu n'arriveras pas à rentrer tout seul au château. Les gardes sont trop nombreux. Zut! Que va-t-on faire, Navi? Si tu acceptes de jouer avec moi toute la journée, alors je te mènerai jusqu'à la princesse Zelda. C'est écrit pour des 3 ans d'âge manteau, ça, là. Non, ça continue, là. Il jase tout le temps. Mais ça vient que c'est gossant, là. Je sais pas pour les autres, OK? Moi, j'ai rien qu'acheté les Ocarina of Time. Je sais qu'il existe les autres, donc le premier, puis tout ça. Donc, peut-être que c'est pas pire, mais écoute, Ocarina of Time commence à scraper une histoire, ils ont réussi avec le manga. Sérieux. Ben, ouais. Tu sais, selon moi, je pense que. Avez-vous déjà vu le film Le Soldat avec Kurt Russell? Quoi? Le Soldat. Le Soldat. C'est quoi le titre en anglais? The Soldier. Oh. Ok. C'est le film où Kurt Russell dit le moins de mots. Okay, on les a comptés, okay, quand j'étais jeune, parce qu'il disait 80 mots. Si Link aurait dit 80 mots dans les deux mangas, ça aurait été parfait. Mais là, il en dit à peu près 2 millions. Fait qu'il parle plus que Navi. Il parle plus que Navi, oui. Il est plus gossant que Navi. Parce que moi, j'ai toujours eu l'impression que Ocarina of Time serait meilleur sans Navi. ouais, au moins qu'il la fasse fermer. Hey, listen! Hey, listen! Listen! Hey! Shut the fuck up! Mais sinon, rapidement, pour ceux qui... Oui, parce qu'il y a du monde qui nous jase manga, je vais quand même vous en conseiller un que j'aime beaucoup, beaucoup. Ça s'appelle Le Nouvel Andyu Onshi. L'histoire, c'est que ça se passe en Corée, parce que c'est un manga coréen. C'est plutôt bizarre, oui, mais c'est vraiment bon. Finalement, c'est l'histoire d'un gars qui a un médaillon. Ce médaillon-là, ça lui permet d'invoquer l'armée de la mort. Ok, Caroline. Mais puis, à quel prix? Aucun prix, parce que lui, c'est comme l'ancien protecteur du roi. Donc, okay. Lui, sa job, c'était d'aller voir dans un petit village, hein, où est-ce que le gouverneur était corrompu, tout ça. Puis, quand il y avait trop de marde, ben, il invoquait l'armée de la mort, puis il rasait l'armée au complet du roi. Sauf que son roi est mort, fait que lui, il n'a plus rien à faire dans sa vie, mis à part que faire respecter la loi où est-ce qu'il se promène. Mais ce qui est hot dans ce manga-là, c'est comment que le gars, il est chien sale. Il est vraiment chien sale avec le monde. Comme par exemple, à un moment donné, là, je vous donne ça, ça se passe comme dans le début. À un moment donné, il y a un jeune qui dit « Hey, j'aimerais devenir comme toi, j'aimerais devenir Andyu Onshi. » OK. Genre, il se promène. Ah, là, il voit qu'il va se faire tirer dessus par des balles. Il pogne le gars, il fait un bouclier humain. C'est comme « Ah, il est mort. » OK. Fait que tu sais, c'est comme vraiment chien sale. Tu veux-tu dire quelque chose, ta soeur? Non, non, j'ai juste dit sympathique. Ah oui, il est vraiment sympathique, ce gars-là, là. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est à Noël. On se croit à Noël, oui, effectivement. Alors, disons ici, dans ce cas-ci, Cara dit dans ce cas-ci, j'appelle ça être réaliste parce qu'on dit qu'on est méchant en ce moment à cause de. Christian Stewart. Non, on est juste réaliste. T'as bien raison. Je pense qu'on l'est vraiment. Et tu as dit qu'il m'a mentionné en chat privé qu'on est méchant parce qu'on a ri de Twilight. Oh, arrête. Je verse une larme. Ah, oh, t'as peur, c'est juste parce que j'ai une graine dans l'œil. OK. On en rajoute. On en rajoute. Hey! Philippe, tu nous dis Link parle pas. Est-ce que le mangaka s'est inspiré du dessin animé Zelda dans les années 80? Non, c'est ça le pays. Les graphiques sont magnifiques, les dessins sont super beaux. C'est juste qu'il a décidé de donner sa propre personnalité au personnage. Ça marche pas. C'est mauvais. C'est vraiment mauvais. J'ai acheté les deux en même temps. J'ai fait la gaffe. J'aurais dû acheter le premier, tu sais. Donc, puis on a Kevin qui nous dit « Moi, j'attends celui de Mario Bros. J'espère qu'on aura même chose s'il y en a un de Donkey Kong. » Des mangas, tu veux dire? Non. Non, on veut pas ça. On veut pas de ça. Ben, à moins que ça soit peut-être la gang qui fait Megaman. Si c'est Archie Comics, ça pourrait avoir de l'allure. Parce que leur série de Sonic, de Hedgehog puis Megaman sont quand même possibles. Faudrait que je les dise. Faudrait que j'aille à mon magasin local pour aller chercher ça. D'ailleurs, là, il y a un crossover entre Megaman et Sonic. Ça, c'est ce qu'on appelle Epicness. Epicness, ouais. Est-ce que PL, t'aurais d'autres suggestions, toi? Je vais prendre à voir ce que c'est demain matin. Ça dépend toujours de ce que vous... Mettons la série qui t'accroche en ce moment. Je te dirais que j'ai hâte de lire la mini-série Watchmen avant avant le gros bouquin de Watchmen. Le seul gag, c'est que c'est pas écrit par Alan Moore. Les Watchmen avant qu'ils deviennent Watchmen, je veux dire, qui était Night Owl avant qu'ils deviennent Watchmen, qui est arrivé à Rorschach avant qu'ils deviennent un Watchmen, etc. C'est quelque chose comme, je pense, 8 mini-séries de 5 numéros sur les personnages, qui donnent un regard sur les personnages. On m'a néanmoins dit que c'était excellent, fait que j'ai hâte justement d'aller ça jeudi, voir Cheap Plug, Mark Comics Hunter, fin de la Cheap Plug, pour aller chercher les comics en question de Watchmen. C'est pas encore sorti en trade paperback, par exemple. Ça, c'est pas encore en trade paperback, non, puis je sais même, puis en passant, trade paperback, c'est juste les gros comics à succès, comme Day of Future Past de X-Men, une autre recommandation, même si c'est un petit peu plus compliqué que votre comic moyen, X-Men Day of Future Past, c'est un excellent comic qui vous, non seulement vous réintroduit, non seulement les X-Men, mais aussi l'univers et le potentiel derrière les X-Men. On parle des mangas. Moi, les mangas, j'ai beaucoup délaissé ça comme je me suis rendu compte, c'était beaucoup disparu au même. Soit, quand c'est adapté pour les gars qui deviennent super forts qui deviennent trop forts pour leur propre bien. Mm-hmm. Ou quand ça s'adresse aux filles, c'est surémotif. Le garçon est le je m'en foutis à l'état pur. Mais non, mon but, c'est de gagner son cœur le plus absolument possible. Je te dirais que c'est surtout divisé par plusieurs sections, hein. Fait que ouais. Moi, mes mangas que je lis beaucoup, c'est des seinen, donc c'est des mangas qui sont surtout pour jeunes adultes parce que les histoires sont plus sérieuses et beaucoup moins fantastiques, je vous dirais. Comme le Anjuan Chi, le gars, il a juste son médaillon comme de pouvoir. Le reste, le gars, il est affaibli, là. Il a une curse qui, quand il marche à peu près comme 6 heures, il est essoufflé comme s'il en avait marché 18, là. Comme ça, manga, moi, il y a juste un manga que je suis, puis c'est JoJo's Bizarre Adventure, mais... Ça, c'est bien la double tranchante de JoJo's Bizarre Adventure. C'est pour être un manga qui a eu bien d'influence, c'est très populaire en France, mais ça n'a pas encore percé au Québec. J'en ai pas vu encore. Faudrait que je demande à mon magasin Otaku Lounge. Okay. Bon, tu sais, je devrais avoir une commission à chaque fois que je dis ça. Publicité! Publicité, ou comme dirait Marie-Lune. Yes. Rapidement, les gars, vous autres, est-ce que vous avez d'autres choses, d'autres suggestions à proposer? Pas vraiment, non. Teen Titan, Judas Contract, une des meilleures histoires de Teen Titan. C'est quoi Teen Titan? Teen Titan, je vais t'expliquer la plus populaire. C'est l'équipe réunie de Robin, qui se met en équipe avec la demi-sœur de... Ben, la sœur, en fait, de Wonder Woman, ou Dana Troy, avec d'autres personnes. Cyborg, qui maintenant est dans Justice League, était un Teen Titan. T'as Raven, qui est celle qui est partie de Teen Titan au départ avec Terror of Trigon. Quoi, le bruit que j'entends? Je sais pas. C'est bon. Judas Contract... C'est un des histoires les plus submersibles de la saga Teen Titan. Alors, je recommande fortement pour les lecteurs de bande dessinée avertis quand même de se procurer le trade paperback ou même juste le numéro si les gens ne veulent que le numéro de l'histoire de Teen Titan, de Judas Contract. OK. Alors, Reto, toi, t'avais pas d'autre chose. Alpha, est-ce que tu as quelque chose à proposer rapidement? Oui, j'en ai une dernière. Quelque chose de très, très humoristique, là. C'est quand même pour tout le monde, là, mais je suggère que c'est peut-être plus pour les adultes, dans le sens que le genre de blagues qu'ils font, il y a beaucoup d'anachronismes et de jeux de mots. Donc, un adulte va probablement trouver ça mieux qu'un enfant parce que l'enfant va pas nécessairement comprendre tous les anachronismes puis tous les jeux de mots. Enfin, le nom de la bande dessinée, c'est Léonard. Léonard. Je connais pas. Ah ouais, okay. Moi je connais. C'est très très bien ça, Léonard. Ah oui, c'est génial. Puis même, ça m'a pris du temps à le réaliser, mais cette bande dessinée-là, je l'ai lue pas mal toute ma vie, puis d'ailleurs, il continue encore là, à cette époque de il continue à en faire. Et puis, ça m'a probablement influencé, sans que je le sache, pour Testeur Alpha. Parce que le principe de Léonard, c'est que c'est l'histoire, ça se passe fin du 15e siècle, là, style Renaissance. Ouais. Ça se passe en Italie, puis le gars, Léonard, c'est un espèce de d'inventeur un petit peu flyé, là. Il invente tout plein d'affaires. Puis il a un disciple avec lui pour l'aider. Et oui. Oui, c'est ça. Le disciple s'appelle Basile. Puis la relation que Léonard et Basile ont, ça ressemble pas mal beaucoup à la relation que Alpha a avec Beta. Wow! D'où ton inspiration! Ouais, c'est-à-dire que Léonard, évidemment, il fait plein d'inventions, puis évidemment, dans toutes les bandes dessinées, il y a tout le temps une invention super dangereuse qui fait, et puis il force son assistant à l'essayer, puis évidemment, à chaque épisode, son assistant se fait démolir, il se fait vraiment massacrer, et c'est là tout le plaisir de la bande dessinée. Fait que franchement, là, Basile, c'est le souffre-douleur, comme Beta, c'est le souffre-douleur à Alpha. Voilà. Mais là, il n'y a pas un lambda, par exemple, là, dans... Non. Il y a d'autres personnages, mais vraiment... Lambda est là pour se faire tuer? Non, c'est une joke. Non. Mais je suis méchant. Désolé, Lambda, je voulais vraiment pas te dire ça. Non, c'est ça. C'est vraiment... trippant, là, les dessins sont superbes. Il y a des bonnes blagues là-dedans, là, vraiment, c'est de bon goût. Moi, j'adore cette bande dessinée-là. Je la suggère. Ok. Je vais répondre à Trinity rapidement. Écoute, la BD que j'ai présentée, Ritual Rising, ça va être probablement quelque chose que tu vas aimer. C'est vraiment pas super-héros, c'est vraiment plus une recherche personnelle, puis un peu de science-fiction bizarre. Puis non, sérieusement, je pense que tu vas apprécier ça. À place d'un manga, là, va chercher Ritual Rising. Tu vas vraiment aimer ça. Sinon, à part ça, rapidement, je check. Qu'est-ce qu'on jase rapidement? Est-ce qu'il y a des commentaires sur Twitter? Non, il n'y a plus vraiment grand-chose qui jase. C'est-à-dire que les commentaires, ça a été Ty qui disait qui me suggérait un manga coréen qui s'appelle Un Manhwa. Ok. C'est pas mal ça. Le hashtag, il y a malheureusement rien. Alors, c'est tranquille. Je rappelle que le hashtag accro des jeux, pour ceux qui ont Twitter, je l'ai vu pas, de un. De deux, c'est le plus facile pour nous rejoindre et puis qu'on puisse non seulement parler de vos questions, mais également mieux y répondre. Oui. Alors, là-dessus, on a Philippe Saint-Jean qui nous dit « Testeur Alpha, le dessin animé Léonard en 3D, c'était de la merde de Télé-Québec. » Oui, j'ai entendu dire qu'il y a une petite équipe qui a essayé de le mettre en 3D et puis finalement, ça a pas été fameux. Ça a pas été fameux. Je l'ai pas vu, mais je t'avoue que peut-être faudrait que j'y jette un œil. Ben, tu viens de me piquer ma curiosité à moi aussi. Ben, Léonard en 3D, ça doit être archi à chier, mais bon. La bande dessinée est tellement bien faite, on n'a pas besoin d'aller mettre ça en 3D. Tout est parfait dans la bande dessinée. Ben oui. Pas besoin de mettre ça en 3D, puis là, faire des effets de marde quand le disciple se fait exploser la tronche par le tromblon de Léonard. Là, franchement, hey, on n'a pas besoin de ça. Là-dessus, c'est ce qui conclut à peu près notre podcast. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été présents. Pour vous donner des petites nouvelles, en passant rapidement, cette semaine, côté vidéo, est-ce que vous sortez de quoi, les gars? Moi, je suis pour sortir Fear Effect. Je suis même très bien avancé dans mon montage vidéo de Fear Effect. C'est juste une question de savoir quand je le sors. J'aimerais bien gros ça avant ça que Retro sorte la sienne. Ouais, oui. Jeudi. Ouais, bon. Jeudi. Écoutons ça. Ça va être en fin de semaine, dans mon cas. Qu'est-ce que je te dis? je viens de dire que je veux que Retro sort sa vidéo avant moi. Fait que... Normalement, en tout cas, normalement, c'est les mercredis qui sortent. Ouais, mais là, ça va être jeudi, parce que, comme tu sais, je syndicalement, je suis très occupé. Oui, voilà. Les raids prennent la plupart de ton temps. Les raids. Ouais, les raids sur l'employeur, ok, ouais. Je te vois tellement avec ton armure. Ok, la tactique pour déjouer le boss. Ouais, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Toi, tu t'en vas le gasser. Moi, toi, tu vas lui donner un café. Toi, tu vas mieux il est. Ah, barnac. On parle pas de l'acheter, là. La preuve est faite. Big Ben aime les jeux de stratégie. Si vous voulez, je vous dis, hein, comme j'ai dit, j'ai raidé pendant super, super longtemps. Fait que les tactiques là, qu'on avait, là, c'était quelque chose. Ça me prendrait un tank et un healer. Ben, je dirais qu'Alpha, ça devait être un healer. Et elle pourrait faire un bon tank. Tabarnak. Quoi, ah, man? Je te mets une full plate. Si, tu vas vraiment pour frapper n'importe qui, je suis sûr. C'était tout à fait à me dire que je pourrais devenir, même si c'est pas la meilleure pose, vraiment, que vous allez voir du gentil monsieur, que je pourrais le pas tenter de devenir ceci. Faudrait essayer. Ça pourrait être ton costume au Comic-Con. Et ta bonnouche. Costume de Hulk. Toi, Tester, ta vidéo sort quand? Est-ce que t'as des nouvelles? Non, cette semaine, je sors pas de vidéo. Je vais essayer de terminer mon concours, là. J'ai eu plusieurs applications, mais il reste encore de la place. Donc, pour les gens que ça peut intéresser, il reste encore des places. Sinon, cette semaine, je vais tourner mon prochain épisode. Donc, le temps du tournage et du montage et de la sortie, là. De façon réaliste, je dirais peut-être que mon prochain épisode sortirait là, entre le 20 et le 23 mars. OK. Avant de finir, écoute, Rétro, prends ta manette dans ta gueule. Je peux voir les deux photos collées ensemble. Mais non, je la mettrai pas en gueule parce qu'elle n'est pas propre. Tu penses qu'elle était propre quand Tester a pris sa photo? Non, moi, ils sont pas propres. Moi, je me les mets dans la gueule, pareil. Moi, depuis que j'ai eu la gastro, j'ose plus mettre aucun objet dans ma bouche. OK. vidéo pour moi, il y en a une qui sort jeudi ou vendredi. Ça va être ma présentation de mes decks de Magic. Intéressant. De faire oui, ça, c'est... J'avais envie de vous montrer ça, puis surtout que les vidéos de Magic, c'est celles qui sont les plus populaires. Alors, j'ai fait, bon, ben, je vais garder mon monde qui me suit, je vais vous mettre une nouvelle vidéo de Magic. Sinon, ben, j'étais en train de travailler sur une nouvelle critique qui devrait sortir peut-être la semaine prochaine, et j'ai toujours un top 10 que je suis en train de préparation, là, que ça me prend énormément de temps. Alors, ça va venir. D'ici là... suivez-nous. On va commencer d'abord avec PL. Comment on peut te rejoindre sur les internets? Bien sûr. Il me fera plaisir de recevoir vos emails au antythese@yahoo.ca ou gmail.com ou encore, vous pouvez visiter sur Twitter @antithese16 S-A-Y-S. Mais, meilleure façon encore, eh bien oui, il y en a une meilleure façon. C'est sur accrodesjeux.com/forum. RetroGamer, comment on peut te rejoindre sur les internets? La page Facebook de RetroGamer PQ, le channel YouTube de RetroGamer PQ et le moyen préféré de RetroGamer PQ. Eh bien, c'est sur le forum de accrodesjeux.com. Tester Alpha, comment on peut te contacter, toi et tes amis? Très facile. Sur Facebook, si vous tapez Tester Alpha, en principe, je suis le seul qui sort. Il y a Beta aussi qui est arrivé sur Facebook, donc vous pouvez le contacter sur Facebook lui aussi, il n'y a pas de problème. Je suis aussi sur Twitter et sur YouTube. Si vous tapez encore une fois Tester Alpha, en principe, c'est moi qui va sortir. Et en passant, il y a les liens Facebook et Twitter à partir de ma page YouTube. Donc, c'est facile à partir de là. Et je ne serai pas original en disant aussi, bien sûr, ma façon préférée, venez sur Accro des Jeux. Je fais mon tour quotidiennement sur le site. Comme moi également, le forum est mon sujet préféré et c'est ce que j'aime le plus faire. Et si vous allez sur le forum, normalement, je m'y promène à peu près 2 ou 3 fois par jour. Alors, c'est le meilleur moyen pour moi de vous contacter. Il y a également la page Facebook des Accro des Jeux. Il y a le YouTube des Accro des Jeux qui est... Abonnez-vous! allez-y, si jamais vous voulez voir mes vidéos à moi et les podcasts des accros, c'est le meilleur moyen de pouvoir nous suivre en live en plus. Sinon, vous pouvez également me rejoindre via le compte courriel officiel des accros des jeux à accrosdesjeux@gmail.com. Et également, pour ce qui est de Facebook, je n'accepte pas les discussions, je n'accepte pas les personnes. Et oui, vous m'avez vu parce que je me suis mis ami avec Alpha et Beta, mais non. Ma page est à moi seulement. Il n'y a pas personne d'autre qui va voir ce que j'écris dessus. Et c'était le podcast des éclos des jeux. Hein? J'y prends un respire. Oui, ça m'en prend. Alors, d'ici là, n'oubliez pas le concours de Testeur Alpha si vous voulez gagner une copie du jeu Batman Forever. Sa copie à lui, autographiée. Avec l'équipe complète, je crois. Hein? C'est bien l'équipe complète qui signe. Ben, si la personne qui la gagne veut un autographe de tout le monde, ben oui, ça va nous faire plaisir de tous la signer. Alors, là-dessus, c'était le podcast des accros, l'édition du 11 mars 2013. Merci beaucoup de nous avoir suivis. La semaine prochaine, podcast des accros de l'animation avec Inspecteur Gadget. Et si vous voulez faire des vidéos, dans 2 semaines, on va vous donner nos trucs pour faire une bonne vidéo. Alors, soyez présents. C'était le Big Ben. Antithèse. Rétro Gamer PQ. Et Testeur Alpha. Pour le podcast des accros, merci beaucoup. À la prochaine.